vent d'ici fait voler tous nos oiseaux. Les champs d'ici font ce qu'ils peuvent pour les troupeaux. That's why this melody is a melody.